Bonjour tout le monde, c'est l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Il n'y a pas de thème musical cette semaine, tout simplement parce que ma petite machine ne fonctionne pas. Ce sont des choses qui arrivent. Je suis en compagnie d'Étienne Blondeau. Le Grain de Sable d'Attaque Québec, en passant, c'est une émission d'Attaque Québec, l'association pour la transaction des taxations financières, laquelle souhaite qu'il y ait une nouvelle distribution, une redistribution de la richesse pour favoriser le bien collectif par rapport au bien individuel. Bonjour Étienne. Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer par parler d'un sujet dont on parle pas souvent, je pense, l'environnement. Oui. Cette idée-là d'économie verte. Ça, c'est une idée qui est développée par plusieurs intervenants ces temps-ci et qui fera l'objet d'une journée d'études à Montréal. Ça aura lieu le samedi 18 avril. Ça va être toute la journée à la maison Bellarmin. Alors, cette journée d'études-là s'intitule « Économie verte, pièges et alternatives ». Alors, cette semaine, on a eu en interview une personne qui donnera une conférence à cette journée-là, qui s'appelle Dominique Bernier. Qui est aussi membre du conseil d'administration d'Attaque Québec. D'Attaque Québec, oui. Il faut le préciser. Et qui est auteur, militante écologiste, conseillère en éducation pour un avenir viable à la CSQ. Alors, elle nous a parlé de ce sujet-là, l'économie verte, et pour justement nous dire quels sont les pièges de cette idée-là, quels sont les problèmes avec cette idée-là. Alors, je crois qu'on peut écouter les extraits de cette entrevue-là. Oui, on va écouter la première partie. Bonjour Madame Bernier. Aujourd'hui, on va parler d'économie verte parce que vous allez tenir une conférence à la journée d'études du 18 avril à Montréal. Une conférence qui va s'intituler « Économie verte, brader la nature pour sauver la finance ». Alors, j'aimerais d'abord savoir quelle est votre définition de l'économie verte. En fait, je pourrais vous donner la définition qui est faite par le Programme des Nations Unies sur l'environnement, qui est une des organisations qui a fait la promotion la plus vigoureuse de ce concept-là. Oui. Pour le PNUE, en fait, l'économie verte, c'est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. Tout ça semble bien beau. Mais dans les faits, l'économie verte telle qu'elle est appliquée correspondrait plus à la définition qui se rapporte au titre de la conférence que je vais donner, c'est-à-dire une façon de relancer la finance en lui donnant des allures de protection de l'environnement, des allures socialement et écologiquement acceptables. Oui, une finance qui était en difficulté avec la crise de 2008 et qui cherchait d'autres débouchés peut-être? Oui, c'est exactement ça. OK. Donc, moi, la question que je me posais, et j'imagine il y a bien des auditeurs qui se posent la question, c'est quelle est la différence entre ce terme-là, économie verte, et l'autre terme qu'on entend souvent, qui est le développement durable? Pour répondre à cette question-là, ça peut être nécessaire de faire un petit peu d'histoire, oui. De retourner un peu en arrière, parce que ça nous permet de comprendre un peu le glissement qui s'est produit pour nous amener du terme développement durable vers économie verte. Il faut savoir qu'avant même l'invention du terme développement durable, qui lui a été inventé par le rapport Brundtland au début des années 80, avant ça, dans les années 70, il y avait eu un rapport qui s'est intitulé « Stop à la croissance ». Suite aux travaux qui ont été effectués par le Club de Rome, on en est venu à la conclusion que la croissance entraînerait nécessairement une dégradation de l'environnement qui pouvait s'avérer irréversible. Il fallait à tout prix mettre un frein à cette croissance-là. Quand on parle de croissance du PIB, donc d'augmentation année après année des transactions économiques au sein d'une nation. On est parti d'un constat qui disait la croissance est irréconciliable avec la protection de l'environnement. Et par la suite, le rapport Brundtland a amené le développement durable qui était comme une réponse au rapport Stop à la croissance. Donc, l'idée, c'était de dire avec le développement durable, oui, c'est possible de concilier la croissance économique, qu'on appelle aussi développement, dans le fond, le développement économique, avec la protection de l'environnement et la promotion de la justice sociale. Donc, ce sont les trois piliers qui soutiennent le développement durable, économie, sociale, environnement. Quand on arrive à l'économie verte, qui a commencé à être popularisé, disons, après la crise de 2008, et particulièrement, la promotion en était faite surtout en 2012 lors du sommet qu'on a appelé Rio plus 20. dans le terme même économie verte, en fait, ben on parle d'économie et de verdure, donc d'économie et d'environnement. La question sociale, même si l'ONU en fait la promotion, est pas incluse dans le terme. Donc c'est pas clair que ça va être compris par tout le monde. Et en plus, bon, c'est ça, il s'agit de relancer la finance. Donc nécessairement, on parle, en fait, alors que le développement durable voulait mettre sur un même pied l'économie, l'environnement et la justice sociale, l'économie verte remet l'économie au premier rang. Rôle que l'économie n'a jamais quitté dans les faits, là, mais oui. Le développement durable avait au moins, disons, il y avait une intention derrière ça, d'établir un équilibre entre les trois piliers. Intention qui n'est plus vraiment présente avec l'économie verte. Et si je comprends bien, il y a une distinction à faire sur le sujet de la croissance. L'économie verte ne peut pas se passer de croissance économique, j'imagine? Non, puis d'ailleurs, le terme le plus utilisé en anglais, c'est « green growth ». On parle de croissance verte. Même si green economy existe, la plupart du temps, ce qu'on entend, c'est green growth. Donc, il s'agit vraiment de croissance du PIB. Et cette croissance du PIB-là, elle ne se fait pas n'importe comment. Elle se fait beaucoup par les transactions sur les marchés financiers. Ça, c'est un des principaux problèmes là, de l'économie verte telle qu'elle est menée actuellement. C'est un des problèmes vraiment majeurs, là. Femme de l'Occident, je suis nerveuse et bien stressée. J'achète toutes sortes de calmants, je gobe des pilules et du café. J'attends mon chèque pour me nourrir, j'attends mon homme pour me payer. Je suis une femme de l'Occident qui court après l'argent. Je suis un homme de l'Occident, j'aime les belles blondes, j'aime le pouvoir, j'aime exercer mon autorité. Je veux être le plus grand, le plus fort, je veux me promener dans un gros char. Je suis un homme de l'Occident, et pour moi l'argent c'est la gloire. On est des gens de l'Occident, on est une gang de perdants. On est des gens de l'Occident, on est pourris par en dedans. On est des gens de l'Occident, il faut qu'on meure avant notre temps. M'intéressait aussi, c'est de savoir, peut-être qu'on pourrait plus parler du cas du Québec, quel groupe ou quelles personnes ont tendance à faire la promotion de cette idée-là d'économie verte? Ben, en fait, au Québec, il y a une organisation qui s'appelle Switch, qui rassemble des organismes environnementaux et des entreprises et qui font la promotion de ce modèle-là. C'est sûr qu'on parle aussi des grands groupes financiers qui ont tous certains fonds verts, si on veut, qui permettent aux gens de se donner bonne conscience en plaçant leur argent dans ce qu'ils espèrent être un fonds plus écologiquement soutenable, mais qui, dans les faits, financent souvent des manœuvres douteuses un peu partout dans le monde. Donc, ça peut être assez discutable. Puis à l'échelle internationale, ben c'est beaucoup le Programme des Nations Unies pour l'environnement, mais aussi la Banque mondiale et d'autres instances de l'ONU qui sont les ardents défenseurs de l'économie verte, de même que des grandes corporations. D'ailleurs, est-ce que cette idée-là prend? Est-ce qu'il y a beaucoup d'adhésion au niveau international ou plus précisément au Québec? Ben, écoutez, il y a une certaine adhésion. À l'échelle internationale, c'est sûr qu'il y a une adhésion importante, mais il faut s'entendre, là, ce qui est réalisé au nom de l'économie verte, c'est ce qu'on appelle très souvent de l'éco-blanchiment la plupart du temps. Ça ne sont pas des initiatives qui ont nécessairement un impact positif sur l'environnement ou la société. C'est la plupart du temps, c'est plus une couverture qui vise à camoufler un peu des pratiques qui avaient cours au 20e siècle, qui sont pas nécessairement mieux, mais qui sont mieux vendus peut-être. C'est une question de promotion très souvent. Puis c'est ça, ça vise aussi à faciliter un accès à de nouveaux marchés pour des entreprises particulièrement financières là, qui ont été chaudées par la crise de 2008. Donc, on va parler d'un accaparement très intense des ressources qui est fait au nom de l'économie verte, notamment l'accaparement des terres. Oui. Et ça, on le voit, en fait, on le voit dans les pays du Sud, mais ça existe ici aussi, l'accaparement des terres, notamment des terres agricoles, par des groupes financiers, en fait, qui s'en servent comme d'une valeur sûre et qui développent une forme de monétisation, qui arrivent à monétiser cet accaparement-là en le faisant passer pour un investissement écologiquement rentable. Ça se fait, en fait, de façon subtile, mais très souvent, ça va être, par exemple... des nouveaux produits financiers qui vont viser à permettre à des entreprises qui détruisent, par exemple, des milieux humides ou qui détruisent des forêts, d'acheter des genres de crédits qui vont servir à maintenir d'autres milieux humides ou d'autres forêts sous une cloche de verre. Donc, ça n'empêchera pas la destruction, mais disons que le fait de payer ces crédits-là, ça permet à ces entreprises-là de détruire certains milieux. Et ça va faire en sorte que en échange de quoi ceux qui donnent les crédits s'engagent à ne pas détruire l'espace qu'ils ont acquis. Ça, c'est ce qu'on entend souvent sous le nom, admettons, de droit de polluer ou de bourse carbone. Oui, c'est ça. Là, je vous donnais un exemple dans le cas de la biodiversité, mais ça existe aussi pour le carbone. Bien sûr, la bourse du carbone, c'est exactement le même principe. Oui. Je me demandais aussi, quels seraient les inconvénients que vous verrez à cette idée-là de mesurer avec des chiffres et vraiment des paramètres économiques, de mesurer la nature avec ces paramètres économiques-là. Par exemple, essayer d'en définir l'utilité et de le chiffrer en dollars. Mm-hmm. Ben, en fait, c'est alléchant pour les groupes environnementaux pour une raison bien simple, c'est que les politiciens, les entreprises de nos jours... parle en termes économiques. Oui. Donc, on peut être tenté d'adopter leur langage pour leur faire comprendre l'importance de maintenir la biodiversité, puis d'agir contre le réchauffement climatique, là, en chiffrant les pertes potentielles. Mm. Par contre, chiffrer la nature, ça laisse supposer qu'on peut la remplacer. Oui. Alors que c'est pas le cas. On estime à je sais pas combien de dizaines de milliards... les pertes que pourrait occasionner la disparition des abeilles. Mais dans les faits, si les abeilles disparaissent, on n'a absolument pas la technologie qui existe. On est très loin d'avoir trouvé des idées capables de mener un jour à une technologie pouvant les remplacer. Oui. Parce que c'est le seul moyen. Les insectes pollinisateurs sont vraiment jouent un rôle très, très particulier qui est impossible à remplacer par l'humain à l'heure actuelle. Et c'est pas seulement des pertes économiques qui découleraient de la disparition des abeilles, mais ce serait possiblement la perte de l'humanité dans son ensemble. Oui, donc, vous comprenez que c'est à ce compte-là, si on chiffre la nature, on pourrait aussi chiffrer ce que vaut l'humanité. Si on chiffre la valeur d'une forêt en termes du carbone qu'elle est capable de capter dans l'atmosphère pour lutter contre le réchauffement climatique, la réalité, c'est que si on coupe cette forêt-là, on ne peut pas faire le même travail de captation. Le fait de planter d'autres espèces n'aura pas la même, ne sera pas aussi efficace pour capter le carbone qu'une forêt mature, par exemple. On peut imaginer qu'une culture forestière qui serait implantée à sa place n'aurait pas la même vigueur que la forêt d'origine aussi. Non, c'est ça. Puis il y a plusieurs projets comme ça qui bénéficient de crédits de carbone via la bourse du carbone. Donc, ça fonctionne de telle sorte que des entreprises, par exemple des centrales au charbon dans certains pays, vont payer un certain nombre de crédits, un montant d'argent pour acheter des crédits qui leur permettent de continuer à générer des gaz à effet de serre. Et ces crédits-là sont investis en fait auprès d'entreprises qui se targuent de faire du reboisement, par exemple dans les pays du Sud. Mais dans les faits, il y a plusieurs projets qui sont assez fallacieux. Ce qui va se faire, c'est ils vont carrément raser une forêt parce qu'il y a personne pour vérifier. Donc, ils vont raser une forêt existante pour faire une plantation de palmiers à huile et dire qu'ils ont reboisé l'Afrique, par exemple. Ils ont reboisé certaines zones désertiques, mais comme il n'y a pas eu de vérification, où souvent la vérification est faite a posteriori à l'aide de données provenant de satellites. Ouais. Dans le fond, on se rend compte que finalement la forêt ou l'espace désertique était en fait une forêt, donc il n'y a pas eu de gain en termes de captation du carbone. Et ouais. ça arrive tout le temps. C'est un peu la même chose quand les investissements générés par les crédits carbone vont servir à financer des projets d'agrocarburants qui remplacent l'essence, en fait, dans les voitures, qui sont faits à partir de végétaux. Très souvent, on va devoir faire du déboisement pour créer des zones agricoles supplémentaires, faire pousser du maïs en monoculture avec tout ce que ça compte comme impact écologique pour donner, en bout de ligne, un produit que, si on compte toute la chaîne de production, produit autant de CO2 que l'essence et même plus. Surtout que ça sert pour des réservoirs à essence de voitures et pas à nourrir des humains. Ben, c'est exactement ça, oui. L'accaparement des terres rend l'accès à l'agriculture beaucoup plus difficile, notamment dans les pays du Sud. Effectivement, on remplit des réservoirs au lieu de remplir des estomacs, ce qui est un non-sens, alors que une grande partie de l'humanité souffre de la faim. Oui, ça montre que l'aspect social est absent de cette économie verte. Je crois qu'en terminant, on pourrait parler des alternatives, des idées ou des paradigmes qui pourraient être préférables à celle-là de l'économie verte. Quels seraient ceux qu'on devrait privilégier, selon vous? Ben, en fait, je pense qu'il faut agir sur deux fronts. D'une part, ça prend, selon moi, des investissements étatiques pour faciliter la transition vers une vraie économie verte, notamment des investissements dans le transport en commun, un meilleur aménagement du territoire. Il y a plein de choses qui peuvent être faites pour vraiment, au lieu de continuer à maintenir sous respiration artificielle une économie qui était peut-être qui paraissait une bonne idée au début du 20e siècle, commencer à opérer une transition vers une économie du 21e siècle, il serait plus que temps que ça soit fait et je pense que ça prend vraiment une volonté politique pour ce faire. Ne serait-ce que actuellement, vous voyez, pour le transport en commun, il y a seulement environ 2% du budget du ministère des Transports qui sert à le financer. Le reste va au réseau routier. Si on investissait ne serait-ce que 10% du budget du ministère des Transports, il y aurait déjà une très grosse différence, beaucoup moins de voitures sur les routes et beaucoup plus, un transport en commun beaucoup plus efficace. L'autre dimension, mais je pense que c'est de miser sur des initiatives locales, communautaires et collectives à l'échelle des collectivités, des quartiers, pour vraiment opérer une transition basée, mais qui est à échelle humaine, là, qui est vraiment faite par et pour les citoyennes et les citoyens. Je pense que c'est fallacieux de penser que les mécanismes qui ont engendré tous les problèmes qu'on connaît, les problèmes écologiques et sociaux qu'on connaît, puissent servir du jour au lendemain à, dans le fond, à les régler. Ça serait très surprenant que ça arrive et, dans le fond, l'économie verte telle que prônée par le programme des Nations Unies pour l'environnement est quand même très intéressant quand on l'étudie, sauf que dans la vraie vie, c'est comme si ce programme-là faisait abstraction du fait que les gouvernements ont les pieds et poings liés par la grande entreprise, très souvent par les accords de libre-échange qui signent. Oui. Donc, si on tient pas compte de ces données-là, c'est pas applicable dans les faits. Ça commence par vraiment une reprise de pouvoir politique citoyen pour être capable de vraiment mettre ça en place et remettre, bien sûr, la finance à sa place, à sa juste place, oui. Remettre l'économie à sa place de moyen d'échange pour la population. La remettre au service de la population, au service de l'environnement et non l'inverse comme c'est le cas actuellement. Bref, ça a demandé beaucoup de courage pour changer les choses. Oui. Oui, mais nous, à notre échelle, on peut quand même faire une différence. Il y a plein d'initiatives dans les quartiers. Le mouvement des villes et villages en transition propose plein de belles idées. Il y a des ici à Québec, dans le quartier Le Moilou, il y a des initiatives comme la Patente qui vise à mettre en commun de l'équipement pour pas avoir besoin d'avoir chacun son atelier avec tout équipé en outils dans sa propre maison et partager davantage pour réduire notre empreinte écologique. Les jardins collectifs, communautaires, l'agriculture urbaine, c'est toutes des choses que les citoyennes et citoyens peuvent faire pour jeter les bases d'une nouvelle économie qui soit plus proche des gens, qui soit plus respectueuse de l'environnement, puis qui soit plus à l'échelle humaine. Ah, c'est une bonne idée, une nouvelle économie, n'est-ce pas, Étienne? Oui, c'est très intéressant et l'entrevue se termine sur une note positive, sur plein de projets actuels qui se font. Oui, alors, je vais juste indiquer quelles sont les deux pièces qu'on a entendues pendant l'entrevue, qui ont coupé l'entrevue en trois parties. Il y a d'abord eu Mes aïeux dans une chanson qui s'appelle Country. C'est tiré d'un album qui s'appelle La ligne orange. Et le déni de et j'ai aussi mis la chanson Les gens de l'Occident. Ça, c'est par Les vulgaires machins. C'était la première, Les vulgaires machins. Oui. Alors, voilà, c'était une entrevue avec Dominique Bernier, qui est auteur, militante écologiste, qui travaille aussi à la CSQ comme conseillère en éducation pour un avenir viable. Alors, elle s'est exprimée sur cette idée-là d'économie verte. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient en savoir plus, il va y avoir une journée d'études à Montréal qui va porter sur ce sujet-là, qui va essayer de réfléchir sur les problèmes qui suivent cette idée-là d'économie verte où la croissance est nécessaire, la croissance économique est nécessaire et essayer d'élaborer, je crois, des alternatives ou des solutions intéressantes. Alors, pour ceux qui veulent en être, ça aura lieu le samedi 18 avril à la Maison Bellarmin, rue Jarry-Ouest, Montréal. Pour vous inscrire, c'est simple, il faut aller sur Internet. Vous trouverez toutes les informations sur le site web d'Attaque Québec ou sur le site web du Centre Justice et Foi qui organise cette journée d'études-là. Il y aura aussi tous les liens nécessaires sur le blog de notre émission. Rappelez l'adresse du blog. Oui, l'adresse de notre blog, c'est legraindesableqc.wordpress.com. Oui. On va mettre une chanson de circonstance. Les babies, j'ai vendu mon char.

c'est vraiment nécessaire de discuter de libre-échange. Alors, je pense que je vais faire un tour d'horizon bien très rapide parce que nos deux intervenants cette journée-là du 27 février, c'est, comme je disais, c'est Claude Vaillancourt et Carl Grenier. Qui est, rappelez-nous qui ils sont. Carl Grenier étant un expert des négociations commerciales, qui lui était vraiment parmi ces gens qui, pour le compte des gouvernements, allaient aux rencontres, aux discussions pour produire ces traités-là qui sont signés et qui finalement s'imposent aux États par la suite. Donc, il était en faveur des traités? En faveur, avec quelques bémols, je dirais. Il voulait surtout qu'il n'y ait pas d'exagération parmi les critiques du libre-échange, si je résume en quelques mots. Je crois que je vais commencer par Claude Vaillancourt d'Attaque Québec. Oui, qu'on connaît bien, qui est le président d'Attaque Québec. Oui. C'est ça. Alors lui, il voulait relever plusieurs points qui l'inquiétaient avec le libre-échange tel qu'il est mené ces dernières décennies. D'abord, le problème de transparence, parce qu'il n'y en a pas de transparence. C'est des négociations à huis clos. Les citoyens ne savent pas qu'est-ce qui est en jeu. Ils ne savent pas ce dont on parle dans ces réunions-là. C'est seulement lorsque l'accord final est produit et est signé que là, tout à coup, on peut découvrir ce à quoi nos gouvernants se sont engagés. Alors, on ne peut pas participer pendant que la chose se négocie pour essayer d'orienter le traité vers des possibilités qui pourraient nous intéresser, par exemple plus écologique, une économie plus progressiste. On ne sait que par la suite qu'une fois que tout est joué, ce qui est dans le traité, ce qui est vraiment un problème pour la démocratie qui doit être au courant de ce qui se trame en haut pour avoir son mot à dire. Il a parlé des acteurs qui sont dans le huis clos. Pour les acteurs qui sont dans le huis clos, il en a été question brièvement. D'ailleurs, je crois que ça a, je sais pas quel verbe utiliser, peut-être inquiété certains membres de l'auditoire qui étaient là pour voir ce débat-là très intéressant. C'est une espèce de classe, finalement, d'avocats ou d'experts conseils qui discutent de ces idées-là sans avoir vraiment de compte à rendre. Hein. On n'est pas dans la démocratie telle qu'on l'entend généralement avec un représentant qui représente son peuple finalement, qui lui est redevable, le peuple peut finalement remplacer. Non, c'est plus des experts des questions économiques et surtout du discours légal qui discutent entre eux, en bonne compagnie, entre personnes qui, j'imagine, n'ont pas des opinions très divergentes. Alors, oui, c'était quelque chose qui inquiétait plusieurs personnes dans l'auditoire. Un certain nombre sont, comment dire, rétribués par les multinationales. Oui, je ne sais pas pour ça, mais c'est sûr que c'est des jobs très bien payés, paraît-il, que d'être négociateur ou bien d'être ensuite arbitre dans des espèces de tribunaux spéciaux et privés qui servent à régler les différends liés au libre-échange, quand des États ont signé un traité, ne s'entendent plus sur quelques questions commerciales, ils doivent se battre en cour. En disant, ça fait vivre, très bien vivre un certain milieu judiciaire. Claude Vaillancourt, pour revenir à lui, avait aussi d'autres objections très importantes. Pour lui, c'est le problème de la souveraineté. Comme je vous disais, si les accords de libre-échange sont au-dessus des lois, ça veut dire que les pays, les États ne sont plus souverains. Hein. Ils peuvent plus prendre tout à coup la décision de faire un tournant important vers l'écologie ou de favoriser certaines de leurs industries. Et il a mentionné le cas des wagons du métro de Montréal. Ça devient assez compliqué d'être en faveur des producteurs québécois. Par exemple, Bombardier, lorsqu'on est trop compromis dans des traités internationaux qui devraient laisser libre cours à la concurrence entre Bombardier et d'autres producteurs autour du globe. Et ensuite, évidemment, si on donne raison à Bombardier et qu'on le choisit par préférence nationale, ben on se fait poursuivre. On se fait poursuivre par les compagnies déçues qui n'ont pas eu leur juste chance comme ils le disent, pour obtenir le contrat public. Et ça m'amène au point suivant. Les poursuites judiciaires, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien du moment qu'on signe des traités

C'était Mes aïeux dans la chanson Le déni de l'évidence. C'est une chanson qui date de 2007. C'est tiré d'un excellent album qui s'écoute encore très bien en 2015, qui s'intitule La ligne orange. Ça date de 2007, mais c'est encore quand même très d'actualité, Le déni de l'évidence. Hein. On a l'impression que c'est vraiment ça qui se passe depuis de nombreuses années, hélas. Avant qu'on poursuive sur la conférence à laquelle vous avez assisté, vous avez une petite annonce à nous faire, Étienne. Oui, je crois que c'est l'occasion de parler d'une marche qui aura lieu le mois prochain. C'est la marche Action Climat, qui aura lieu le 11 avril, et ça va être une occasion où des groupes sociaux et des syndicats à travers le Canada vont marcher pour contester l'usage, ou plutôt l'industrie forte des énergies fossiles telle qu'elle se fait actuellement au Canada. Alors, c'est ça, ils vont entre autres venir à Québec pour faire une manifestation contre les hydrocarbures. Alors, pour tous ceux qui veulent y participer, il faudrait faire des recherches en ligne pour... C'est le 11 avril? Oui, Marche Action Climat, 11 avril. Est-ce qu'on sait à quel endroit? À Québec, c'est l'information que j'ai pour l'instant, là, mais ça devrait être un gros... Ça va sûrement être diffusé un peu partout, cette information-là. Absolument. Alors, le libre-échange, on poursuit la... Oui, et d'ailleurs, le mot est intéressant, poursuite, parce qu'on va parler de poursuite, justement, de poursuite judiciaire qui se succède à un rythme inquiétant depuis qu'on a signé l'ALENA. L'ALENA étant l'accord entre Canada, Mexique et États-Unis, signé en janvier 1994. Dans cet accord-là a donné le droit aux compagnies de poursuivre les pays lorsqu'ils tout à coup prenaient des décisions politiques ou votaient des lois qui privaient les compagnies de profits tels qu'ils pensaient les obtenir. Admettons qu'ils devaient exploiter des ressources naturelles et que tout à coup, ils prennent l'idée folle à un pays d'avoir des actions et des décisions plus écologiques. Eh bien, la compagnie déçue peut poursuivre le pays pour l'avoir privé de son argent, finalement, de l'argent qu'il espérait. Ce qui est une situation assez dramatique, surtout lorsqu'on regarde les chiffres. Depuis l'adoption de l'ALENA, ça c'était il y a 21 ans, le Canada s'est fait poursuivre 35 fois. Et en tout, finalement, dans ces poursuites-là, il a perdu 172 millions. Non, lorsqu'on c'est perd, même, c'est ça. Lorsque un pays comme le Canada perd en cours, il est obligé de donner de l'argent à ceux qui l'accusaient. Et 172 millions, c'est quand même un montant non négligeable. Le Mexique, lui, un pays quand même plus pauvre que le Canada, a eu à payer 238 millions, un montant encore plus élevé. Et les États-Unis, depuis qu'ils ont adopté l'ALENA, a payé 0$, curieusement. C'est curieux. Hein? Ouais, je crois que leurs avocats sont plus convaincants, il faut croire. C'est assez impressionnant. Alors, le Canada a vraiment subi la part du lion des poursuites. 70% des poursuites qui suivent l'ALENA, qui suivent ces enjeux-là de compagnies qui poursuivent des États lorsqu'ils sont déçus en regardant leur chiffre d'affaires, là. Eh bien, 70% des fois, c'est le Canada qui est poursuivi. Alors, c'est difficile de dire que le Canada est particulièrement gagnant ou tire son épingle du jeu avec ce traité-là de l'ALENA. Et tout ça, c'est un sujet très intéressant qui est couvert dans un article de L'Autre Journal. Un article écrit par Gabriel Sainte-Marie, c'est dans le dernier numéro de L'Autre Journal, ça, et qui parle d'un chercheur qui s'appelle Scott Sinclair, qui, lui, vient du Centre canadien de politique alternative. Lui, il a décidé de faire le bilan de l'ALENA. Et ce qui en a conclu, c'est finalement des conclusions assez inquiétantes parce qu'il a relevé plusieurs cas où le Canada s'est fait poursuivre, et j'aimerais vraiment qu'on parle de ces cas-là, c'est très intéressant, parce que, par exemple, une poursuite que le Canada s'est fait intenter, c'est par une compagnie qui s'appelle Ethylcorp. Cette compagnie-là mettait un additif dans l'essence qui était considéré par le Canada comme neurotoxique, c'est-à-dire une toxine qui s'attaque au système nerveux chez l'homme, là. Et le Canada a donc décidé d'interdire cet additif-là qu'il considérait dangereux dans l'essence. Alors, la compagnie Ethylcorp est déçue et a voulu réclamer 251 millions du Canada. La compagnie Etil Corp et le Canada ont décidé de s'entendre entre elles, finalement. La compagnie en est ressortie avec la bagatelle de 13 millions. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en s'entendant hors cours, le Canada a dit « bon, c'est d'accord, l'additif pourra être de retour dans l'essence des Canadiens ». Alors, c'est... Et il se basait sur la réglementation américaine? Sur la réglementation de l'ALENA qui fait finalement... qui donne beaucoup de pouvoir à la compagnie privée lorsque tout à coup, après la signature de l'ALENA, qui était quand même il y a 21 ans, ouais. Lorsqu'un pays vraiment prend des décisions qui tout à coup empêchent le commerce tel qu'il se faisait, d'accord. Eh bien, c'est ça, la compagnie peut poursuivre. C'est, sur la base de la réglementation antérieure. C'est ça, c'est franchement inquiétant. Et un autre cas intéressant, c'est la compagnie qui s'appelle Lone Pine. Lone Pine, il faut remonter à cette histoire-là des explorations pour les énergies fossiles dans le fleuve Saint-Laurent. Dans le fleuve Saint-Laurent, il y avait la compagnie Lone Pine qui essayait de trouver des gisements de gaz. Et le Québec a pris la décision de mettre son moratoire sur l'exploration pour trouver des gisements de gaz dans le fleuve. Alors là, la compagnie Lone Pine, qui s'attendait à trouver des affaires intéressantes dans notre fleuve, a décidé de poursuivre, non pas le Québec. Le Québec, c'est pas un pays qui a signé l'ALENA, mais le Canada a signé l'ALENA. Alors, Lone Pine décide de poursuivre Ottawa pour la décision prise par Québec de faire un moratoire. Et pourquoi cette compagnie-là pouvait faire ça? C'est une compagnie canadienne, Lone Pine. Elle est basée à Calgary, mais il s'adonne qu'elle s'est en fait incorporée dans le paradis fiscal du Delaware, c'est-à-dire qu'elle a un pied posé aux États-Unis. Alors, puisqu'elle est « états-unienne », entre guillemets, vu qu'elle y est incorporée, mm-hmm. elle est une compagnie étrangère, entre guillemets, d'un pays signataire de l'ALENA. Alors voilà, vu qu'elle est états-unienne, elle peut poursuivre le Canada pour la C'est décision incroyable. Prise au Canada... par la, notre province. Il n'y a pas de justice pour les autres entreprises canadiennes. Non, c'est franchement inquiétant. Alors voilà, vu que le Québec a eu cette atroce idée aux yeux de, ben, des signataires de l'ALENA, finalement, de ceux qui apprécient l'ALENA, de prendre une décision écologique et d'interdire l'exploration dans le Saint-Laurent pour les hydrocarbures, eh bien, Lone Pine veut être compensée. Ouais. Elle demande 250 millions d'Ottawa. L'affaire n'est pas réglée au moment où on se parle. C'est à suivre. Il faudra voir s'il y aura une entente hors cours pour que Ottawa leur donne quelques millions assez pour les calmer. On verra bien. Et je crois qu'on peut passer une pause musicale avant de... Avant de terminer retour. L'émission, oui, ça oui. va. C'est, jusqu'à présent, en tout cas, c'est fort inquiétant. Oh, oui. C'est fort inquiétant. J'espère que nos auditeurs ont dressé l'oreille et entendu tout ce que vous venez de dire, parce que vraiment, il y a des questions à se poser sur la souveraineté de nos députés, sur la possibilité de nos députés, finalement, d'exercer de façon souveraine leur jugement... En écologie ou en économie. Ou en toutes sortes d'autres domaines. On va écouter une chanson qu'on avait commencé à écouter à la toute fin de la première demi-heure. C'est une chanson de groupe de Chinese Men. Ça s'appelle Indie Groove. C'est tiré des Groove Sessions. On écoute. Nous avons posé devant l'ensemble de la population une question. La réponse des manifestants a été dans un cri unanime : libérons nos camarades. Indie Groove de Chinese Man. Alors, Étienne, que conclure de tout ça? Que conclure? Ben, finalement, je vais résumer les positions de deux intervenants dans ce débat qui avait eu lieu en février. Alors, Claude Vaillancourt, lui, terminait son exposé en parlant des marchés publics. Lorsque un gouvernement a besoin de travaux, il demande des soumissions aux compagnies. Mais c'est ça qui est intéressant. Avec les accords de libre-échange, ce ne serait plus que les compagnies québécoises qui feraient des soumissions à Québec. Ce serait aussi des compagnies européennes, parce qu'il y a le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne qui s'en vient. Alors, les compagnies européennes, elles, sont spécialisées là-dedans, dans les services publics, les appels d'offres. Ce sont des multinationales qui sont expertes dans ces soumissions-là. Alors, je crois que Vaillancourt semblait être d'avis que nos compagnies québécoises ne feraient pas le poids face à ces soumissions-là européennes, alors que c'est très important pour leur survie que d'obtenir des contrats du gouvernement. Et finalement, il a aussi parlé des droits d'auteur, des droits des brevets finalement qui gagneraient en durée finalement. Si on parle plus précisément des brevets de médicaments, ils seraient prolongés. Alors pour les grandes compagnies pharmaceutiques, leurs médicaments pourraient bénéficier de leurs brevets pendant plus longtemps avant que d'autres compagnies aient le droit de faire des médicaments génériques. Dire que les qui coûte moins cher. C'est ça. Pendant un plus grand nombre de temps, nos médicaments coûteraient plus cher avant qu'on croise les génériques. Pour ce qui est de Carl Grenier, qui était plus de l'opinion contraire en faveur du libre-échange, lui tenait à nuancer la situation, dire que le Canada a souvent eu gain de cause dans toutes ces poursuites-là, toutes ces mésententes entre pays. Il a parlé de la crise qui revient de temps en temps sur le bois d'œuvre. Ça, c'est le Canada qui s'oppose aux États-Unis. Et le Canada a eu gain de cause dans ces disputes-là contre les États-Unis. Il faut quand même le mentionner. Il a aussi voulu parler du Mexique, qui a eu des gains économiques, qui a eu beaucoup d'emplois grâce à l'ALENA. Il nous a présenté un algorithme, une formule mathématique qui... Ben, selon ce qu'il disait, prouvait que le Mexique avait gagné en revenus grâce à l'ALENA, une formule mathématique qui comparait la situation d'un Mexique qui n'aurait pas joint l'ALENA par rapport au Mexique qui l'a fait et qui peut déterminer finalement que les gains ont été importants. Et qui voulait terminer sa présentation, Carl Grenier, en disant que c'est pas le Far West, c'est pas l'anarchie que ce libre-échange, parce qu'il est régulé, dit-il, par les accords eux-mêmes où les États s'entendent sur des consignes sur la manière avec laquelle ça doit se faire. Et ces consignes-là sont inscrites dans les traités finaux qui sont signés par les dirigeants. Voilà. Alors, on va laisser quand même nos auditeurs se faire une idée là-dessus, mais n'empêche qu'avec tout ce que vous avez dit, il y a de quoi se poser des questions, essayer d'en savoir davantage. Vous allez mettre, j'imagine, des liens vers des textes où les auditeurs pourront en savoir davantage sur cette question du libre-échange. Parfait. Alors, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine, à la semaine prochaine. C'est tout pour l'émission Le Grain de Sable de cette semaine. Le Grain de Sable, c'est une émission produite par des militantes et militants de la région de Québec, de l'Association pour la taxation des transactions financières, Attaque Québec. Restez avec nous. Il y a les Geeks contre-attaque qui suit tout de suite après la pause. Au revoir. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet, que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux. Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy.